La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Comment reprendre le cours de sa vie après un accident de la route, une agression, un attentat ou une catastrophe naturelle? Au-delà des séquelles physiques, ces événements traumatiques peuvent laisser chez certains patients, chez certaines victimes, une blessure morale, un mal-être psychologique que les scientifiques nomment trouble de stress post-traumatique. Quels sont les symptômes de ce trouble exactement? Comment un événement négatif peut-il s'imprimer durablement dans notre cerveau et en modifier le fonctionnement? Et comment surmonter un traumatisme psychologique, c'est ce dont nous allons parler dans le dossier de La Tête au Carré cet après-midi avec deux spécialistes du stress post-traumatique, Aurore Saboureau-Séguin et Sam Elage. Pour leur adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook. Bonjour Héloïse Rambert. Bonjour Daniel. Aujourd'hui, à la une de la science, on ouvre un œil neuf sur l'univers. Oui, on va parler d'une toute nouvelle technologie d'observation du ciel qui permet aux scientifiques de regarder l'univers sous un angle nouveau et d'y voir des phénomènes spectaculaires et jusque-là invisibles. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission est réalisée par Fanny Beauhuon et préparée par Mathieu Aoued. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter. Autour de la table, Aurore Saboureau-Séguin et Wissam Elage. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Aurore Saboureau-Séguin, vous êtes psychiatre et directrice du centre du psychotrauma. Vous avez écrit notamment « Revivre après un choc » chez Odile Jacob. Et Wissam Elage, vous êtes professeur de psychiatrie adulte à l'université de Tours. Vous avez coordonné l'ouvrage « Stratégie thérapeutique des traumas ». Alors, lorsqu'on est victime d'un événement violent comme une agression ou un accident, il est normal d'être choqué pour quelques temps. À partir de quand vraiment on peut parler de stress post-traumatique, Aurore Saboureau-Séguin? Ça dépend un petit peu du niveau des études, mais on convient à peu près 2 mois. En général, on attend un petit peu plus, mais au bout de 6 mois, les signes qui n'ont pas disparu, en général, ne disparaîtront pas. Et quels sont ces signes? On peut être en état d'alerte le plus souvent, mais cet état d'alerte se normalise en quelques semaines et considère qu'à partir de plusieurs semaines, on peut avoir des symptômes comme des cauchemars qui persistent, des difficultés de sommeil, une irritabilité, des affects négatifs, inhabituels, des pensées obsédantes autour des images, des flashs de ce que la personne a vécu, et souvent des émotions négatives, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, de se replier. Et souvent, les gens, en fait, n'en parlent pas rapidement. Ils se replient sur eux-mêmes et évitent tout ce qui peut les rappeler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont éprouvé au moment de ce traumatisme. Et quelle proportion alors de la population française est touchée par ce qu'on peut appeler le traumatisme psychologique, pour le dire plus simplement ? D'abord, il faut voir, il y a l'événement traumatique, puisque c'est ça qui est le démarrage, et parce qu'il y a un événement traumatique, qu'il va y avoir des séquelles. Après, tout dépend de l'état de traumatisme, de l'événement traumatique. Ça, un accident de voiture, un viol n'a pas la même proportion à provoquer des états de stress post-traumatique. Les chiffres sont un peu différents, autour de 7-10% pour les accidents de voiture et plus de 40% pour les agressions sexuelles. Ouais. Pour ma part, c'est 100% d'ailleurs, mais les chiffres, c'est 50%. Ouais. Il faut bien avoir en tête qu'à tout événement traumatique n'est pas forcément suivi d'un stress post-traumatique. Hein, oui, tout à fait. Je pense qu'on est fait pour être résilient, si j'ose dire, puisqu'on a tous un risque sur la vie d'être confronté à un événement, accident, mort, agression, plus ou moins sévère, bien sûr. Mais le risque de développer des troubles, dont le trouble de stress post-traumatique, il est évalué, par exemple, en France, autour de 5% en population générale, tout traumatisme confondu. Bien sûr, si vous vivez une inondation dans votre quartier, ce n'est pas la même chose que d'être confronté à des attentats ou bien à des agressions physiques, sexuelles. Plus, finalement, le traumatisme implique un autre être humain qui est source de la violence, plus finalement les conséquences post-traumatiques, on l'observe, sont importantes. On va avoir l'occasion de préciser tout ça, hein, les symptômes, les traitements aussi, car il en existe. On s'intéresse au traumatisme psychologique cet après-midi pour adresser une question à nos invités. Il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook de La Tête au Carré. Héloïse, aujourd'hui, à la une de la science, on parle d'un nouveau télescope et d'une nouvelle carte du ciel. Oui, Daniel, grâce au radiotélescope LOFAR, une équipe de scientifiques internationales publie le premier volet d'une immense image du ciel. Elle révèle des centaines de milliers d'objets jusqu'ici inconnus et apporte un éclairage nouveau sur des phénomènes comme les trous noirs ou les amas de galaxies. Un ensemble de 26 articles consacrés à ces premiers résultats sont parus dans la revue Astronomy and Astrophysics. Nous sommes avec Cyril Tasse qui a participé à ce travail de grande ampleur, on peut le dire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Alors, avant toute chose, parlez-nous un peu de ce télescope LOFAR, donc qui est apparemment très innovant. Comment il faut se le représenter ? Alors, LOFAR, c'est un ensemble d'une centaine de milliers d'antennes réparties en Europe. Le réseau est plus dense aux Pays-Bas. Ce sont des antennes qui fonctionnent ensemble, donc on va aller corréler les signaux des antennes. Alors ce qui compte, c'est l'extension spatiale du télescope, du radiotélescope, donc de cet ensemble d'antennes qui fonctionnent ensemble. Donc plus le télescope est grand et étendu, plus on a de la résolution angulaire du piqué, et plus on a d'antennes, et plus on va être sensible pour pouvoir voir dans l'obscurité et voir des objets faibles dans l'univers. Donc on voit loin, on voit de plus en plus loin, plus on a cette capacité à voir de plus en plus vieux, des lueurs ténues finalement. C'est ça, exactement. Alors LOFAR, qu'est-ce qu'il voit de l'univers que les autres engins ne voyaient pas avant ? Alors la spécificité de LOFAR, qui n'a aucun équivalent actuellement sur Terre, c'est d'observer dans un domaine d'énergie inconnu et non observé avant. C'est-à-dire que la longueur d'onde qu'on peut voir avec nos yeux est typiquement inférieure au micromètre. En infrarouge, on est vers le micromètre de longueur d'onde, donc un millième de millimètre. Ici, la longueur d'onde est de l'ordre du mètre, entre 1 mètre et 10 mètres, disons, pour LOFAR. Et donc, on a accès à des phénomènes physiques complètement différents de ce qu'on peut voir à l'œil ou dans le domaine optique ou dans d'autres domaines de longueur d'onde. Dans ce domaine d'énergie inexplorée, on voit l'univers tel qu'on ne l'avait jamais vu avant. On voit une facette de l'univers qu'on n'avait jamais vu avant. Ouais, on voit une face qu'on ne connaissait pas. Et qu'est-ce qui émet ces ondes ? On sait quelle est l'origine physique de ces ondes qu'on reçoit dans le télescope ? Alors, pour émettre ces ondes radio, alors c'est de la lumière, hein, c'est de la lumière au même titre. Mais qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, exactement. C'est de la lumière, et donc pour émettre ces ondes radio de basse fréquence, de basse énergie, il nous faut des particules très énergétiques, des particules qui approchent la vitesse de la lumière, il faut qu'elles soient chargées, et il nous faut aussi des champs magnétiques, c'est-à-dire que la particule chargée est relativiste, c'est-à-dire elle approche la vitesse de la lumière, elle va interagir avec le champ magnétique, elle va tourner en fait, et en tournant elle va émettre ces ondes radio. Et alors, vous voyez des objets physiques, qu'est-ce que ça nous apprend de ce qu'il y a dans notre univers ? Alors donc, pour accélérer ces particules à ces vitesses-là, il faut des phénomènes très violents, qui sont de plusieurs natures. La première classe, c'est les phénomènes qui touchent à la physique d'accrétion autour des trous noirs, c'est-à-dire que quand de la matière tombe dans un trou noir, un objet extrêmement dense, il y a des particules qui sont accélérées à ces vitesses-là, et c'est ce que l'on peut voir avec LOFAR. On a aussi d'autres phénomènes comme les supernovas qui accélèrent aussi des particules à très haute énergie. On peut aussi les observer avec LOFAR. Et d'autres phénomènes immensément grands, démesurément grands, qui sont les amas de galaxies, les interactions entre les amas de galaxies. Quand deux amas de galaxies collisionnent, on accélère ces particules à très haute énergie. Autrement dit, ce ne sont pas les phénomènes en eux-mêmes que vous voyez, ce sont les remous qu'ils provoquent autour, en fait. Exactement. Donc on observe des photons de très basse énergie, cette lumière de très basse énergie, mais qui sont produites par des phénomènes de très haute énergie, des phénomènes extrêmement violents. Et ces trous noirs, on comprend toujours pas très bien ce que c'est, je crois qu'on peut le dire. Est-ce qu'on va mieux comprendre comment les trous noirs et les galaxies interagissent ensemble avec LOFAR ? Alors d'abord, un trou noir, c'est un objet théorique qui défie un peu l'entendement, parce que c'est un objet théorique qui décrit un objet infiniment dense. C'est-à-dire que si je prends la Terre et que je la compresse bon, je vais passer par différents stades, mais à un moment la gravitation va l'emporter sur toutes les forces et la matière va s'effondrer sur elle-même en un point de volume nul. Donc le champ gravitationnel va être immensément grand et la lumière ne pourra même pas s'en échapper. Donc on appelle ça un trou noir, c'est-à-dire que la matière et la lumière rentrent dedans sans pouvoir y échapper. Alors on observe ces trous noirs, mais qui ont des masses immenses en fait, qui peuvent atteindre des millions, des milliards de fois la masse du Soleil. Et on observe ces trous noirs, donc qu'on appelle supermassifs. Au cœur de chaque galaxie dans l'univers, on voit un trou noir supermassif. Et alors on ne sait pas quel est le rôle de ce trou noir et qu'est-ce qu'il fait là. Donc on appelle ça aussi un problème d'œuf et de poule. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est créé d'abord, le trou noir ou la galaxie. On ne sait pas si la galaxie, finalement, est-ce que c'est pas comme le tourbillon qui se vide dans la baignoire. Est-ce que toute la matière ne va pas finir dans le trou noir pour finir par l'alourdir? Et donc voilà, c'est le grand mystère. On sait qu'ils existent très tôt dans l'univers, qu'ils sont créés très tôt. On ne sait pas par quel processus. Et donc on peut étudier avec l'OFAR comment est-ce que ces trous noirs grossissent et comment ces phénomènes évoluent au cours de l'histoire de l'univers. Vous avez la certitude que tous ces trous noirs supermassifs que vous avez détectés sont entourés d'une galaxie. À chaque gros trou noir, il y a une galaxie associée? Alors chaque fois qu'on est en mesure de pouvoir détecter la présence d'un trou noir, on en observe un. Alors il y a des cas particuliers dans certaines galaxies très petites, mais le schéma actuel, c'est que très généralement, on observe un trou noir supermassif au cœur de chaque galaxie, et ces trous noirs supermassifs peuvent atteindre des dizaines de milliards de masses solaires. C'est des objets qui peuvent même être plus grands que le système solaire en entier. Alors, vous voyez des trous noirs que déjà on ne comprend pas parfaitement, mais vous voyez aussi des objets complètement non identifiés, c'est ça ? Oui, alors donc comme je disais, on n'a jamais observé avant dans ce domaine d'énergie-là, donc on s'attendait à des surprises. Et il y en a. On voit des objets dont on ne connaît pas la nature. C'est-à-dire qu'on observe ces trous noirs et ces amas de galaxies, c'est des objets très intéressants qui peuvent nous apprendre des choses très profondes et très fondamentales sur l'histoire de l'univers, même sur la physique fondamentale. Mais on observe aussi des objets dont on ne connaît pas la nature. Ce sont des objets étendus et difficiles à étudier parce qu'on ne les détecte pas autrement. Et on a donc en astrophysique, d'habitude, on utilise tous les domaines d'énergie pour reconstituer l'ensemble du puzzle. On met les pièces à côté et puis on essaie de comprendre et voir qu'est-ce qui se passe en fait. Et là, on a qu'une seule pièce et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc on voit ces objets et on n'en connaît pas la nature. Et surtout, l'OFAR, il n'a pas fini de révéler des secrets. Il n'y a qu'une petite partie du ciel qui a été scannée pour l'instant. Alors pour l'instant, donc, on a libéré 2% des données donc à la communauté. Et voilà, donc on va détecter des millions de galaxies, beaucoup de surprises en chemin. Ouais, c'est ça, il faudra venir nous en reparler, il y a encore énormément de choses à découvrir avec ce télescope. Un grand merci à vous, merci. Cyril Tasse, d'être venu nous raconter cette face cachée de l'univers. Et à demain, Héloïse. À demain, Daniel. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la Chine vient de se doter d'une nouvelle législation pour encadrer ses savants fous. Elle prévoit de superviser la recherche et de sanctionner les scientifiques qui sortent du cadre. La décision s'inscrit dans le contexte de l'affaire des bébés OGM. Le généticien chinois Yang Kui avait provoqué un choc en novembre dernier en annonçant qu'il avait modifié l'ADN de deux jumelles afin de les rendre résistantes au virus du sida. L'affaire avait mis en lumière le manque de supervision en Chine sur les travaux scientifiques. La nouvelle réglementation dévoilée hier prévoit de classifier à haut risque les recherches en génétique. L'État a aussi indiqué qu'il se réservait le droit de stopper ou confisquer certains travaux problématiques. Les chefs d'État de 17 pays du Sahel viennent d'adopter à Niamey un plan d'investissement climatique pour la région. Le plan, dont le coût est estimé à 350 milliards d'euros, prévoit diverses actions sur le terrain pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et pour permettre aux populations de s'adapter au changement climatique. Bien décidé à agir, le président nigérien Mahamadou Issoufou a tout de même rappelé que les pays du Sahel continuent à payer les conséquences d'une situation dont ils sont loin d'être responsables. Enfin, une initiative pour un carnaval de Rio féerique et écologique. Difficile d'envisager le célèbre carnaval sans une pluie de paillettes, mais si elles font briller les corps de mille feux, elles sont en plastique et sont aussi très nuisibles à la faune marine. De la peau, elles passent à la baignoire, puis aux égouts, pour finir dans l'océan. Conscients du problème, les Brésiliens commencent à utiliser pour leur déguisement des produits biodégradables. Une petite entreprise locale s'est même lancée dans le commerce de paillettes écologiques fabriquées à base d'algues et de pierre de mica. Comprendre et traiter le trouble de stress post-traumatique, c'est le thème du dossier de la tête au carré dans un instant. You wanna turn it into something. get the wrong vibration. C'était Wrong Vibration de Balthazar sur France Inter. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter. On s'intéresse au traumatisme psychologique dans La tête au carré en compagnie de Aurore Sabourot-Séguin, psychiatre et directrice du centre Psychotrauma, l'institut de victimologie, auteur de Revivre après un choc, comment surmonter le traumatisme psychologique chez Odile Jacob, et Wissam Elhage, professeur de psychiatrie adulte à l'université de Tours, qui a coordonné l'ouvrage Stratégie thérapeutique des traumas. Alors, quel type d'événements sont susceptibles de provoquer un trouble de stress post-traumatique? Tout ce qui, de façon un petit peu carré comme ça, confronte à la mort ou à la destruction de soi-même ou de son entourage, donc toutes les agressions physiques, tous les accidents de voiture, le deuil qui est quand même la mort de quelqu'un de proche de façon brutale et inattendue est quand même un des événements traumatiques le plus fréquemment rencontré. Les attentats, la guerre et tout événement de catastrophe naturelle. Et il y a donc une différence de nature entre ces traumatismes si ils sont vécus suite à un choc collectif, un attentat, une catastrophe naturelle, ou si ils sont plus intimes, plus individuels? Oui, enfin, on remarque après des catastrophes naturelles, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de liens sociaux qui se créent, qui sont créés, et il semble que le stress post-traumatique est un petit peu moins fréquent que quand c'est des événements traumatiques d'individu à individu, par exemple. Mais dire que dans ce type d'événement, finalement, l'événement est d'emblée connu à la société. Alors qu'un événement intime, finalement, il nous plonge parfois dans le repli, dans la honte, la culpabilité, et on le révèle pas. Voilà. Alors qu'un attentat, une catastrophe naturelle, un accident de voiture, vous n'allez pas le cacher à votre mère. Il va y avoir plus de support social dans les cas de catastrophes naturelles, dans les cas de catastrophes global, mais un viol, une agression personnelle, la violence conjugale, c'est caché, il n'y a pas d'aide. Et donc, ce sera plus difficile après. Quels sont les signes qui doivent alerter? En clair, comment savoir si une personne est en état de stress post-traumatique? Oui, ça mélange. Il faut surtout se rendre compte, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'on a changé en termes de caractère, en termes de rythme de sommeil? Est-ce qu'on est obsédé par la peur? Et est-ce que finalement la peur prend une place inhabituelle? C'est tel que la peur m'empêche, alors qu'avant c'était pas le cas, je change mon comportement, je change mes habitudes, la peur m'empêche de sortir, de faire ma vie comme bon me semble. Et ces premiers signes sont très importants à détecter. Donc le changement est en soi quelque chose qui doit interpeller. Le changement est le changement dans la durée, hein, si j'ai bien compris, Aurore oui, Sabourot-Séguin. C'est normal après tout événement traumatique, que ce soit d'ailleurs un divorce, un licenciement, on a une réaction de choc, elle va être plus ou moins intense et on va avoir une perception de l'avenir plus ou moins importante. Le problème de l'événement traumatique, c'est qu'il perturbe complètement la notion d'avenir, la notion de contrôle qu'on a de la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à supporter. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un couple, Jean-Camille et Fanny, un couple qui a vécu l'attentat du Bataclan. Tout le temps où j'ai été blessé physiquement, la tête allait plutôt bien, j'avais plutôt beaucoup d'énergie, très envie de sortir, je suis vite retourné faire des concerts. J'étais plutôt en forme sur le plan psychologique et c'est du jour où j'ai été opéré, où j'ai plus eu la balle, où là, la tête a complètement lâché progressivement. Au début, j'étais vraiment en mode survie, j'étais comme un zombie. J'avais plus envie de rien, je voulais plus voir personne, j'étais très repliée sur moi, je me levais pas de mon lit, enfin voilà. on se sent tout le temps en danger et c'est ça qui est le plus dur, quoi. Les claquements de portes, les bruits qu'on peut relier à des explosions, mais qui sont souvent juste quelque chose qui tombe ou... et tout ça, à chaque fois me remontait assez fort cette angoisse de mort, en fait. C'était toujours ça qui revenait. C'est dès que j'entendais un bruit, au lieu de simplement l'analyser et de me dire « Ah tiens, c'est une portière qui a claqué », c'est « Oh, je vais mourir ». Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Toujours cette histoire de vague. Et puis tu crois que ça va mieux, tu crois que ça va mieux, et paf, tu retombes. Ça nous détruit comme un puzzle qu'on ramasse les pièces, on nous ramasse en morceaux, quoi. L'hypervigilance, cette sensation aussi de fluctuation, cette impression que tout allait bien et puis finalement non. Tout ça, vous le retrouvez dans les personnes qui viennent vous voir? Tout à fait. De toute façon, la clinique, j'ai toujours coutume de dire que la clinique, elle est facile à reconnaître parce que les gens disent exactement ce qu'ils ressentent et c'est exactement ça. Alors, avec la nuance que le fait d'aller bien et d'aller moins bien, quelquefois des symptômes qu'on voit un peu après, plus tard, mais le fait d'être vigilante, sursauter, d'avoir peur tout le temps et du coup de ne plus pouvoir faire ce qu'on faisait avant, c'est la peur qui domine et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le sentiment qu'on est en danger en permanence, toujours. Et du coup, la réaction est physiologique et psychologique parce qu'il y a une réaction physiologique qui marque le sujet, qui l'a marqué pendant l'attentat et qui va le marquer tout le temps. Il ressent cette situation physiologique, physique, mentale et à chaque fois que quelque chose réveille cette mémoire et il se sent mal à ce moment-là. Il retrouve tous ses symptômes. Y a-t-il des personnes plus ou moins vulnérables, des profils psychologiques plus sujets au traumatisme, Wissam El Hadj? C'est difficile à dire ça, en fait, parce que on le pense, il nous plaît de le penser, mais c'est vrai qu'à un événement donné, on peut être plus ou moins sensible. Mais en fait, la répétition des événements nous rend tous vulnérables. Donc oui, d'une certaine façon, il y a une certaine résistance, mais personne ne résiste à l'accumulation des événements traumatiques. Et on sait malheureusement que des personnes sont exposées à des événements répétés parfois dans la vie, et particulièrement dans l'enfance et l'adolescence, qui est déjà en soi une période de fragilité, oui, dans la période du développement. Il faut reconnaître que les gens, par exemple les gens qui ont été dans la période du Bataclan, dans les attentats, ceux qui ont des parents peu structurés, une famille, une enfance peu structurée, ceux qui ont vécu de la maltraitance, ceux qui ont été vécu un inceste ou des agressions sexuelles auparavant, ont des symptômes beaucoup plus aigus, vont être beaucoup plus fragiles, bien sûr. Inversement, est-ce que des enfants surprotégés, des gens qui ont été confrontés à aucun malheur, est-ce qu'ils sont en fait armés, équipés? Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu comme une sorte de vaccination? Il y a des études psychologiques qui ont montré que pas assez de stress ou trop stress, ça fait le même résultat. C'est ça. Donc il faut un petit peu de stress. En fait, il faut que l'individu ait le sentiment d'avoir surmonté, d'avoir un contrôle sur la vie, et donc là, il va pouvoir à ce moment-là trouver des solutions. Oui, Wissam El Hadj, c'est ça, c'est l'équilibre à trouver finalement entre ne pas trop surprotéger les enfants pour qu'ils soient armés à faire face plus tard. Bah, oui, mais il ne s'agit pas de les stresser pour les plaisirs de les stresser. Je pense qu'il s'agit de ne pas aveugler, surprotéger. Il s'agit d'aborder, par exemple, les questions compliquées auxquelles on peut être confronté dans la vie de tous les jours. Les aborder, faire prendre conscience en soi, c'est déjà une chose. Mais d'ici à mettre un enfant dans un conte de fait avec tout le monde est beau, tout le monde est gentil. En fait, c'est un niveau de lui empêcher la capacité de discerner qu'est-ce qui est dangereux ou pas. Si vous croyez que dans la vie, tout est beau, tout le monde est gentil, la première fois vous allez être confronté à l'autre, vous allez découvrir la méchanceté et là, il y a un écroulement. Donc, par exemple, en termes de violence conjugale, moi, j'observe autant de femmes qui ont été dans des familles parfaites avec un papa gentil, protecteur, qui se laisse avoir par le premier pervers qui passe, que de femmes qui ont vécu dans une famille maltraitante avec un père incestueux et qui, par habitude, par connaissance, entre guillemets, par reconnaissance, vont aussi vers quelqu'un qui va les maltraiter. Ouais. Donc c'est difficilement prévisible. En fait, difficile de savoir comment on réagira confronté à un événement traumatique. On ne peut pas savoir. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau chez une personne traumatisée, Wissam El Hadj? C'est-à-dire qu'au moment du traumatisme, et le témoignage de tout à l'heure était très édifiant, c'est-à-dire les gens se sentent dans un danger énorme qui est nécessaire pour la survie. C'est-à-dire que c'est une fonction naturelle qu'on a tous. On a besoin de ce coup de fouet adrénergique pour se défendre, fuir, combattre. Et si on est blessé, d'ailleurs, cette peur intense corporelle nous protège pour éviter de saigner abondamment, ainsi de suite. Mais le problème dans le trouble de stress post-traumatique, c'est que cette hyperactivation initiale perdure dans le temps. Normalement, quand vous êtes stressé, quand vous avez failli avoir un accident, au bout de 5 minutes, 10 minutes, tout revient dans un fonctionnement normal. On appelle ça une normalisation de l'axe du stress. Dans le stress post-traumatique, cette normalisation ne se produit pas. Le corps continue à décharger de l'adrénaline, le corps continue à décharger des hormones de stress, de cortisol, ainsi de suite, et cela va avoir des effets délétères sur le comportement, sur le cerveau, sur la santé psychique et même physique. Dans les structures cérébrales, on voit, si on fait passer des examens d'imagerie médicale à une personne victime de stress post-traumatique, on voit ce qui dysfonctionne ? On voit aujourd'hui à l'état d'un groupe. On n'a pas encore les moyens de voir au niveau d'un individu. Mais par exemple, on a publié il y a quelques mois une étude chez des victimes de viol, 3 semaines après l'exposition au viol et 6 mois après. Et on s'est rendu compte que très vite, après le viol, dans les 3 semaines, il y a une hyperactivation d'une région qui contrôle les émotions. Elle a du mal à se normaliser. Elle est en état d'alerte persistante. Et une autre région qui est très importante dans le traitement des émotions et des souvenirs, qui est l'hippocampe, qui a un volume sous l'effet du stress qui diminuait. Et les personnes qui ont le volume de l'hippocampe le plus faible 3 semaines après le traumatisme sont celles qui, 6 mois après, avaient un stress post-traumatique persistant. Donc oui, à l'échelle d'un groupe, on a des éléments dans la recherche, mais pas encore, on n'est pas encore au niveau de la détection individuelle. Nous allons voir dans la suite de cette émission comment accompagner un proche qui a subi un traumatisme et puis comment surmonter et revivre après un choc psychologique. Et puis vous répondrez aux questions des auditeurs qui arrivent sur Facebook et sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Je ne sais plus, même plus ton nom. C'était O qui chantait « Tu sais, je ne sais plus ». La tête au carré sur France Inter. Deux spécialistes du trouble de stress post-traumatique autour de la table de la tête au carré, Aurore Saboureau-Séguin, Wissam Elhage. Sur ce stress post-traumatique, ce qui est caractéristique, c'est la mémoire qui semble imprimer de façon définitive l'événement qui nous a fait peur, qui nous a traumatisé. Et ce film qui revient sans cesse, dont on cauchemarde. Pourquoi la mémoire s'emballe comme ça? Alors, c'est très très simple et très compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire qu'on va pas pouvoir. Mais comme Wissam disait tout à l'heure, il y a l'hippocampe qui est un organe de la mémoire aussi qui est atteint dans ce stress. Il y a l'angoisse et on a l'habitude. Enfin, notre organisme retient beaucoup les événements négatifs, les événements dangereux pour une bonne raison puisque c'est notre survie. Je suppose que je raconte toujours à mes patients quand nos ancêtres ont été confrontés à un petit groupe d'adolescents. On était confrontés avec des petits animaux gentils qui s'approchent et tout d'un coup la mère, je sais pas, c'est un lion, la mère arrive et elle balance un coup de patte aux adolescents. Il y en a un qui reste sur le carreau, les autres s'en vont. Qu'est-ce qu'il fait? On raconte et on va raconter ça. Et il faut garder la mémoire, la peur, il faut garder cette peur. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui existe naturellement. Il faut garder la peur des événements qui pourraient nous tuer. C'est un mécanisme de défense ancestral. Hein, c'est oui, ça fait partie de notre fonctionnement. Alors après... quand on va oublier, en principe, petit à petit, notre esprit va discriminer. Je n'ai pas peur d'une rue, j'ai pas peur, par exemple, d'être seule à la maison, mais j'ai peur d'un homme avec un pistolet qui rentrerait chez moi. Mmh. Le problème, c'est que quand l'événement était très intense, on va amalgamer tous ces souvenirs ensemble, et en évitant le souvenir de la peur et le souvenir de l'événement, on va oublier plein de choses aussi. Mmh. Et on va essayer de se protéger de ce souvenir. Oui. Mais c'est inscrit dans la mémoire. Sabine, justement, vous dit, l'amnésie post-traumatique pose-t-elle problème en fait? Alors, oui, surtout l'amnésie des agressions de l'enfance ou de l'adolescence, dans la mesure où je crois me souvenir, mais je me souviens pas, j'ai pas d'éléments, on n'a pas tous les éléments. Comme je vous disais, finalement, comme on évite aussi de s'en souvenir, on construit pas l'élément. On disait que la personne tout à l'heure disait que c'était comme un puzzle. Effectivement, on sait aussi que dans la mémoire, les informations vont dans des endroits différents. D'accord? Et quelquefois, quand ils sont très forts, très violents, les personnes sont confuses et ne font pas de lien entre ces morceaux de souvenirs. Ce qui fait qu'on peut avoir, par exemple, un aboiement d'un chien le soir à la tombée de la nuit et tout d'un coup être pris d'une crise d'angoisse. Parce qu'en fait, cet élément est dans le souvenir de l'agression qu'on a vécue. Je vous propose d'écouter le témoignage de Sylvain. C'est un soldat de retour d'Afghanistan et sur le terrain, il a été témoin de l'explosion d'un véhicule sur une mine. Alors le retour en France s'est bien passé. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et après, j'ai eu un mois de vacances. J'ai toujours cette émotion quand j'en parle. Et pendant ce mois de vacances, je me suis senti tout seul. En fait, j'avais cette impression que personne ne me comprenait et que personne ne s'intéressait à moi. Alors j'ai senti que j'étais différent quasiment immédiatement. Pendant ce mois de congé, là, ce mois de vacances, je pleurais pour un rien. Mais pas comme les petits trémolos que j'ai dans la voix actuellement. C'était vraiment des crises de larmes à la télé devant des choses tristes, mais qui le sont pas réellement, quoi. Et voilà. Après, je m'emportais réellement, quoi. Je manquais de patience, que ce soit à la maison envers mes filles ou au travail envers mes subordonnés. J'avais moins de patience et j'étais un peu plus irritable, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Mais j'ai pensé que j'étais fatigué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive et qu'on met parfois du temps avant de déclencher le trouble de stress post-traumatique. Il y a une inertie parfois, Aurore Saboureau-Séguin. Alors, je ne sais pas si on met du temps, mais oui, il y a beaucoup de cas où après l'événement, on a l'impression que tout va bien et que les symptômes de stress post-traumatique vont apparaître soit à l'occasion d'un autre événement traumatique peu important, soit par rapport à un anniversaire, une date anniversaire et des choses. Oui, il y a, nous on appelle ça le temps de latence avant l'apparition. Et aussi le fait que, en fait, dans les deux témoignages, on retrouve cela. Tant que les gens sont dans un état de danger, tant que les gens sont dans un danger réel, ils sont en hypervigilance qui est utile, qui est dirigée. Et en fait, on voit que dans les deux cas, quand ils se sont retrouvés dans un climat de sécurité, dans un climat plus normal, tout en gardant leur état d'hypervigilance lié à la peur traumatique, ben là où on observe les symptômes. Donc finalement, on observe cela également même chez des migrants ou des gens qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des choses atroces, et les symptômes se déclenchent ou apparaissent qu'au moment où ils sont supposés être dans un havre de paix, où il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience que toute cette énergie qu'ils avaient, bah, finalement, aujourd'hui, surtout s'il y a un manque de support, si les gens ne prennent pas conscience de ce qu'ils ont vécu, elle peut commencer à être problématique et faire émerger les symptômes. Oui, par rapport aux troubles neurobiologiques qu'on peut observer, effectivement, tant qu'on est, on a le sentiment d'être en danger, ou tant, notamment dans la guerre, tant qu'il faut faire face, tout le système est valable. On est en hypervigilance, on est en survie, on est actif, le cœur bat, mais tout ça, on comprend pourquoi. Quand on est mis à l'abri, tout d'un coup, le système continue. On est encore en vigilance, on est encore en survie, on a encore le cœur qui bat, mais il n'y a plus de raison. Ouais. Et donc là, tout d'un coup, on est démuni, on ne comprend pas et on n'arrive pas à se calmer. Et l'environnement, l'entourage ne comprend pas du tout. On ne comprend pas et l'entourage aussi, l'entourage, souvent, n'a pas les mots qu'il faut. Hein. Vous le dites l'un et l'autre, souvent, on va dire un peu bêtement, essaye de passer à autre chose, oublie ce qui t'est arrivé. Ils en sont rigoureusement incapables et c'est bien le problème. Alors ça, c'est surtout l'adage à lutter contre, c'est-à-dire oublie, passe à autre chose, maintenant c'est passé. C'est impossible. C'est surtout, il faut s'en rappeler, il faut accepter. Si vous avez un problème, tant qu'il n'est pas résolu, vous allez être obsédé par ce problème. En fait, à partir du moment où vous l'acceptez, vous l'intégrez, vous pouvez passer à autre chose. L'exemple type de tous les événements de guerre, où les gens qui ont été exposés à des violences, des attentats, ils attendent une reconnaissance, un mémoriel, et non pas le surtout non mémoriel. On va tout oublier et ça n'existera pas. Alors Sylvie vous demande, mon compagnon était présent lors de la mort de son meilleur ami il y a 4 ans. Il a réussi à surmonter ce choc, mais les souvenirs lui reviennent à l'anniversaire de cet ami. Doit-il laisser ses souvenirs venir à lui, sachant que cela le chamboule, ou doit-il essayer une thérapie pour éviter cela? Jusqu'à quel point il faut laisser remonter les souvenirs? Ben, on va dire que si ça revient que le jour anniversaire, enfin que le jour anniversaire ou à cause du jour anniversaire de sa mort, c'est un moment émotionnel, il était certainement très proche de cet ami, ça lui fait du bien et c'est normal. Après, si ça envahit tout son, le champ de sa conscience et son quotidien, là, effectivement, il vaut mieux faire appel à un thérapeute. Annie vous dit, ma fille souffre d'un stress post-traumatique à la suite d'une agression sexuelle avec menace de mort. J'ai lu le livre d'un médecin qui propose comme thérapie la libération des émotions vécues au moment du trauma et en particulier de la colère. Qu'en pensez-vous? Alors, ce sont plutôt, nous, ce qu'on appelle une thérapie de narration, de remettre un ordre dans les choses, de pouvoir en parler avec quelqu'un dans un cadre sécurisé, redonner un peu un sens à l'histoire qu'elle a vécue, puis surtout faire la différence entre le danger auquel elle a été réellement exposée et la peur qui continue à être vécue actuellement. Alors, il ne s'agit pas simplement d'une effusion d'émotions, mais il s'agit de se rendre compte des émotions vécues intenses au moment du traumatisme et qui continuent à poser problème pour qu'elle réapprenne à contrôler quelque chose de ces émotions qu'elle continue certainement à éprouver de façon très douloureuse. Cette idée qu'il faut se confronter à sa peur, ça rappelle un peu ce qu'on conseille dans le cas de phobie, c'est-à-dire y aller progressivement, mais finalement ne pas éviter le problème. Est-ce qu'il y a un lien entre les mécanismes qui sous-tendent la phobie et les stress post-traumatiques? Je vais tout de suite vous dire modifier votre phrase. On n'affronte pas sa peur. Si on a peur et que l'endroit est dangereux, il faut garder la peur. Oui, d'accord. On affronte les situations où on a peur, mais qui ne sont pas dangereuses. Et oui, c'est la même thérapie qu'on a dans les phobies d'objets ou de personnes non dangereuses. Hein. On affronte une araignée qui n'est pas dangereuse, on laisse tranquille celle qui pique et qui tue. L'idée simple, c'est que quand vous vivez un traumatisme, c'est comme si vous regardez pour la première fois un film d'horreur. C'est pas très agréable. Mais par contre, si je vous propose de regarder le film d'horreur tous les jours, au bout de 2 semaines, ça y est, ça ne vous fait presque rire. Donc c'est le principe de la thérapie d'exposition répétée et prolongée. Existe-t-il, vous demande Marie-France, existe-t-il une thérapie pour améliorer l'état d'une personne de 50 ans ayant subi un traumatisme à l'âge de 5 ans, coup violent répété, précise-t-elle. Est-ce qu'on peut, 45 ans après... Bien sûr. Il n'y a pas d'âge pour entamer une thérapie. Il n'y a pas d'âge pour comprendre ce qu'on a vécu, comprendre les symptômes qu'on a, comment on est empêché de vivre dans sa vie et améliorer les choses. Alors, on ne parle pas de guérison, on parle de compréhension et puis de mise à distance. D'acceptation. Parce que, en fait, parfois, les gens ont vécu, par exemple, une agression sexuelle tôt. Ils ont vécu une vie d'adulte avec une sexualité absente ou une frigidité ou des difficultés comme ça. Et ils arrivent à une consultation beaucoup plus tard. Ils disent, voilà, je viens pour ce symptôme-là. Et on se rend compte que finalement, il y a d'autres traumatismes anciens qui peuvent contribuer à cette difficulté. Nous allons continuer d'évoquer les traitements et puis la piste de nouveaux traitements dans la dernière partie de l'émission, comme la neurostimulation. Et puis vous répondrez aux messages nombreux des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. C'était Brigitte Bardot sur sa Harley Davidson sur France Inter. La tête au carré. Aurore Saboureau-Séguin, psychiatre et directrice du centre de psychotrauma à l'Institut de victimologie. Wissam Elhage, professeur de psychiatrie adulte à l'Université de Tours. Ils sont les invités de la tête au carré pour parler de ce trouble de stress post-traumatique. Nous étions en train d'aborder les traitements, la façon de réagir face à un tel événement lorsque l'on est concerné. Est-ce que l'on peut surmonter seul un traumatisme psychologique une fois que le trouble de stress post-traumatique s'est installé, ou est-il préférable de se faire aider? Aurore Saboureau. Comme je disais tout à l'heure, en général, au bout d'un certain temps, quand les symptômes sont installés, les symptômes, c'est par exemple éviter des situations où on pourrait ressentir de la peur, éviter des contacts sociaux où on se sent mal à l'aise. La vie va devenir assez rétrécie et perdre beaucoup de sa liberté. Donc oui, c'est utile. Oui, Sam Eladj, Georges demande, est-ce que le corps peut aussi souffrir de symptômes bizarres comme des crises d'épilepsie, des paralysies suite à... C'est souvent, en fait, suite à des traumatismes non révélés, non discutés, non assumés, non intégrés dans la vie du sujet, qu'on observe des personnes qui présentent des troubles somatoformes, dont des crises non épileptiques psychogènes, des troubles somatoformes de conversion, on appelle ça parfois des déficits moteurs, souvent des formes un peu neurologiques pour lesquelles les examens sont plutôt rassurants. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut leur dire, voilà, c'est psychologique, on peut vous aider, on a des solutions. Et on a effectivement des manuels maintenant de TCC, par exemple sur les crises non épileptiques psychogènes, qui sont disponibles en France. Donc les TCC, hein, les thérapies d'approche cognitivo-comportementale, ça marche dans le cadre, ça peut marcher, hein, il n'y a pas de remède miracle, chaque situation est souvent personnelle. La première chose, c'est déjà d'évaluer le vécu, les conséquences post-traumatiques qui peuvent être troubles de stress post-traumatique, peuvent être troubles somatoformes, dépression, anxiété ou addiction. Donc le premier niveau, c'est vraiment de bien faire le point sur le vécu et les difficultés du sujet. Il y a toujours des solutions si on s'adresse au thérapeute qui en a les compétences. Il y a aussi des complications associées à ces traumatismes psychologiques. Je pense à l'anxiété, évidemment, mais à l'addiction, l'alcoolisme. Oui, le psychiatre parle de comorbidité, tous les troubles anxieux, les troubles dépressifs. Il y a aussi un trouble dont on n'a pas parlé, mais parce qu'il est plus compliqué. C'est le trouble d'état limite, la dissociation aussi, qui est un... Alors, qu'est-ce que c'est le trouble d'état limite ? Alors, souvent, ça concerne des personnes qui ont été maltraitées dans l'enfance ou qui ont été agressées dans l'enfance, ou qui ont été incestées. Donc, oui. Dans leur développement psychologique, quelque chose ne peut pas s'être développé correctement, notamment le relationnel à l'autre. Hein. Quand le père qui m'aime me fait du mal en même temps, obligatoirement, on est dans une confusion. Cette confusion va aussi avoir comme souvent associé à des troubles mnésiques. On parlait de troubles mnésiques, mais il y a des choses. Souvent, les femmes disent, mais je ne me souviens pas de ce qu'il a fait. Pourtant, je sens en moi, je sens dans mon corps. Il y a plein de phrases qui expliquent ces choses-là. Je ne comprends pas. Et voilà, ma vie est un enfer et c'est surtout relationnel à ce moment-là. La difficulté, quelquefois, une personne parlait tout à l'heure aussi des moments ça va, des moments ça va pas. Ouais. C'est aussi quelque chose qu'on peut entendre. Ouais. Alors, il y a des cas qui sont très graves et qu'on voit en service de psychiatrie parce qu'ils ont vraiment une inadaptation à la vie. Et d'autres qui sont plus traumatiques mais qui gênent. Et notamment, on voit à ce moment-là l'alcoolisme. Les dépendances aux toxiques, la dépendance au jeu, la dépendance au sexe, tous ces phénomènes-là peuvent être secondaires à une agression sexuelle, à l'inceste, souvent d'ailleurs, le plus Alors, souvent. Alors, on a parlé d'accompagnement, de thérapie, de TCC. Est-ce que les traitements médicamenteux sont aussi parfois proposés? Alors, en première intention, ce sont les psychothérapies qui sont recommandées. En deuxième intention, et surtout en cas de comorbidité dépressive, anxieuse majeure ou des graves troubles du comportement, on peut avoir l'aide d'antidépresseurs, de préférence, pas d'anxiolytiques ou d'hypnotiques, mais surtout d'antidépresseurs. Et en troisième intention, il y a des recherches qui mettent en avant d'autres molécules comme des bêta-bloquants, ou des alpha-bloquants qui peuvent aider contre les cauchemars, contre l'hypervigilance. Et nous, on a quelques protocoles également de recherche sur une sorte de neurostimulation de certaines régions cérébrales qui sont en difficulté, si vous voulez, dans le contrôle des émotions. Et le rôle de la neurostimulation, elle vient pour tenter de contrôler ses émotions envahissantes. Alors, Maryse vous demande que penser de l'EMDR. Avant que vous répondiez à cette question, on va avoir un exemple de ce traitement, l'EMDR, à l'hôpital de la Timone, à Marseille. À Marseille, une équipe s'intéresse à l'EMDR. Derrière ces quatre lettres, une technique créée aux États-Unis dans les années 80. Un sigle que l'on peut traduire par désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Alors tenez bien votre tête. Donc l'idée en fait c'est qu'on va partir d'un souvenir que vous avez choisi. Donc le principe d'une séance de MDR c'est que le patient donc pense au traumatisme, à la situation qu'il a vécue, qui est encore difficile pour lui. On y associe ce qu'on appelle des stimulations bilatérales alternées qui peuvent être des stimulations des deux côtés du corps, soit auditives avec un son dans les deux oreilles, soit des tapotements des deux côtés du corps, soit faire bouger les yeux alternativement à gauche et à droite. Et au fur et à mesure des stimulations, ça va permettre que le patient puisse décharger toute la mémoire émotionnelle qui est liée au souvenir, pour que le patient puisse de nouveau repenser à ce qui était difficile pour lui, sans émotion, comme si c'était quelque chose de tout à fait banal pour lui. Au fil de la séance, l'émotion ressentie par Hugo en pensant à l'homme qui s'est suicidé à côté de lui en Afghanistan diminue progressivement. Comme s'il digérait ce souvenir douloureux. Ok. Et du coup, alors ? Un truc de magicien, ça ne me fait plus rien. Ce qui fait que si vous retournez à la situation de départ, la perturbation que vous ressentez maintenant, entre 0 et 10, elle est à combien ? Honnêtement, là, il est à zéro. Hein. Ok. Nous entendions Pierre-François Rousseau, psychiatre à l'Institut de neurosciences de Latimone, à Marseille. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'EMDR ? Alors, l'EMDR, comme les thérapies d'exposition ou les autres thérapies qui fonctionnent, ont en commun un certain nombre de choses, dont la psychoéducation, l'acceptation, mais aussi l'exposition à une partie du souvenir traumatique. Ce qui est là particulier dans l'EMDR, c'est ce mouvement oculaire qui aide. On a des pistes de compréhension, mais pas encore complètement élucidées. Ces mouvements oculaires qui semblent aider à l'acceptation et l'intégration des émotions négatives dans le parcours du sujet. Qu'en est-il, vous demande Caroline, qu'en est-il de l'état des recherches sur l'efficacité de la méditation sur les phénomènes de stress post-traumatique ? La méditation, Aurore Saboureau-Séguin. Je pense que la méditation peut toujours être utile, mais avant, il faut quand même conduire un bon traitement sur le traumatisme. Oui, c'est la méditation en pleine conscience d'ailleurs, pas n'importe quelle méditation. Il y a quand même un travail d'accompagnement. Alors, c'est vrai que naturellement, les gens, spontanément, s'ils arrivent à être résilients, à faire face au traumatisme tout seuls, ils viennent pas nous voir. Donc, forcément, on voit les cas les plus sévères. La méditation en pleine conscience, il n'y a pas d'obstacles, puisque finalement ils acceptent quelque part de s'exposer spontanément aux souvenirs traumatiques et à l'intégrer émotionnellement et dans leur propre vécu corporel. Est-ce qu'on peut guérir, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais guérir entièrement d'un trouble de stress post-traumatique, ou est-ce qu'il reste toujours une fragilité, peut-être un risque de rechute ? Aurore Saboureau-Séguin. Le mot guérir, je l'emploie pas, mais il est difficile à mettre en route par rapport à cet état. Mais je pense qu'on peut reprendre le cours de sa vie, on peut retrouver sa vie avec peut-être même plus de force qu'avant. Il y a très peu de maladies desquelles on guérit, crois. Surtout en psychiatrie. Oui, je ne sais pas si ça va rassurer nos auditeurs. En tout cas, la route est longue et la rechute est-elle possible ? Est-ce que vous avez auprès des personnes qui viennent vous consulter des gens qui allaient mieux et puis à la faveur d'un nouvel événement ? Par exemple, l'attentat de Bataclan a réveillé pas mal d'angoisse et de souvenirs pour d'autres personnes. Je me souviens d'une personne qui est venue me voir en me disant « c'est bizarre, je viens de voir par la fenêtre une dame, enfin quelques semaines avant, une femme sauter du balcon, je ne l'ai pas vue par terre, je n'ai pas vu son corps, mais depuis je fais des cauchemars tous les jours ». Et en fait, les cauchemars n'étaient pas liés à cet événement-là, mais étaient liés à l'attentat des Rosiers, où elle était sortie indemne, où elle n'avait fait aucun soin, elle n'avait par la personne, où elle avait continué sa vie. Si on l'interroge, sa vie n'était pas tout à fait vraiment normale, elle était cyclique, et effectivement, les symptômes se sont réveillés. Il y a aussi un phénomène d'embrasement, c'est-à-dire d'un événement à l'autre, les événements plus légers vont réactiver la mémoire. Merci Aurore Saboureau-Séguin et Wissam Elhaj. On peut retrouver les coordonnées de vos livres sur le site de La Tête au Carré sur franceinter.fr.